Je viens de rudoyer un peu cette petite sœur. À tort, sans doute. On ne devrait pas être rude pour les autres aux heures où l'on appréhende qu'ils ne soient rudes pour vous. Aux heures où l'on voudrait, au contraire, se réconcilier avec quelqu'un. J'ai été douce à mes novices. Que ne l'ai-je été davantage? Vous êtes le sel de cette maison. Ne vous laissez pas dissoudre. Il n'y a pas de sel dans une disposition triste et tendre. Tenez, qui me rappelle mes nuits de l'hiver dernier, quand de l'infirmerie j'entendais chanter Matine. Mais plus triste qu'alors, et surtout moins forte. Toujours dissimuler en soi une plaie de douleur et de crainte, comme il est juste que nous ayons sur nous cette croix de sang. C'est le cœur qui a transudé. Moi, il suffit que je baisse la tête, je la vois, et je me sens raffermie. Qu'est-ce qui vous ennuie, ma bonne sœur? Ma sœur Françoise? Ma sœur Françoise? De petites difficultés, grosses de la grosseur d'un grain de mil. Il y a cependant un moment que vous l'entreteniez. Craignez de l'avoir scandalisée par des paroles inutiles. N'oublions jamais ce qu'on en pense ici, qu'on les peut tenir pour des péchés. Je crois que j'étais contente de n'être pas seule. Vous savez bien, ma mère, comme je redoute chaque année ce milieu de l'été. Ces jours d'août, où personne n'est plus là, on se sent si peu protégé, tellement à découvert. Je ne sais pourquoi nos amis ont cette rage de changer de place. Et soient sans cesse à se dire qu'ils ne seront pas là au moment où l'on aura besoin d'eux. Cet acte que nous avons envoyé l'autre jour à Madame la Duchesse de Liancourt, pour qu'elle le transmit d'urgence à Monsieur Chamillard, et qu'elle n'eut pas le temps de faire copier, parce qu'elle partait ce jour-là pour la campagne, de sorte qu'il ne fut pas transmis. Je suis bien résolue de ne plus m'affecter de telles malencontres, par l'expérience que j'ai, qu'un quart d'heure de temps devant Dieu efface beaucoup de choses qui paraissaient de grandes choses, et qui en fait ne sont rien. Ce qui nous préoccupe n'est rien. J'ai déjà entendu ce langage. Mais enfin, est-ce moi qui ai mis dans cette maison un principe d'agitation et d'effroi? Toujours tout caché. Et ce qu'il faut qu'on cache, c'est la vertu et la vérité. Toujours être sur ses gardes, pour les autres et pour soi. Toujours des faux noms. Toujours l'écriture chiffrée. Toujours ce qu'on a écrit, dispersé au dehors chez les uns et chez les autres. Et souvent, on ne se rappelle même plus chez qui. Toujours ce qui vous environne, menacé d'être saisi à l'improviste, mis sous scellé et perdu à jamais, après avoir été tripoté, trituré, pressuré, dénaturé. Toujours des hommes qui rôdent et qui épillent. Toujours à la merci de tous, et de gens haineux ou stupides. Toujours se défendre. Toujours des explications à donner sur des murs, sur des portes, sur des choses qui sont naïves et nettes et qui en un instant deviennent criminelles. Toujours aller et venir entre ce qui est le plus grave, le plus délicat et le plus tendre en ce monde. Et cette mécanique d'enquête, de perquisition et de police, si nous étions des coupables ou seulement des imprudents, nous dirions « soit, je paie !» Mais étant ce que nous sommes, notre Seigneur a dit que la vérité délivre. Hélas, la vérité emprisonne et l'innocence emprisonne. Dites-moi le vrai fond de votre pensée, ma mère. Serons-nous dispersés? Irons-nous en prison? Cessez de vouloir me rassurer, les gens qui me rassurent me font peur. Nous avons été trompés trop de fois. Mais si d'autre part je vous effraie? Ne m'effrayez pas non plus. Tout ce que nous faisons de bon est fait avec un esprit en paix. L'inquiétude est un grand témoignage du peu de profit que nous faisons de la Sainte Communion. Et quiconque ne s'estime heureux en ce monde ne le peut être dans l'autre. Vous croyez en Dieu et vous craignez quelque chose? Je me crains. Je crains aussi tout le reste. Vous vous souvenez de la petite sombreuil quand elle disait « J'ai peur des arbres, j'ai peur de l'eau, j'ai peur du vent, j'ai peur de tout. » Moi aussi, j'ai peur de tout. Il y en a qui portent leur crainte, d'autres qui la traînent. C'est mon âme qu'il me semble que je porte et que je berce pour qu'elle oublie sa douleur, comme un enfant qu'on sèvre et qu'on berce pour qu'il oublie sa nourrice. Vous êtes ma nièce, ma chère fille, et je voudrais vous donner, puisqu'à pas une autre, une parole de soulagement. Mais il n'appartient pas à une créature de donner du soulagement dans une affliction. C'est un office que Dieu a retenu pour soi seul. Et quel besoin de soulagement! Vous souffrez et vous avez l'amour de Dieu. Vous avez tout? Je n'ai pas tout. Pourquoi vous tourmentez? Dans notre religion, tout est tellement simple. Vous êtes heureuse? Vous en rendez grâce. Vous êtes malheureuse? Vous en rendez grâce. Vous n'avez qu'à vous laisser mener, attendre les moments de Dieu, adorer tout ce qu'il vous envoie. Il y a 71 ans que les tribulations m'entourent de leur fracas, sans que j'en ai éprouvé autre chose qu'un approfondissement du mystère divin que je n'aurais pas éprouvé sans elle. Et je vais à la mort comme on va à la messe. Tout le temps n'est rien. Ni ce qui s'y passe. Il n'y a de réel que l'éternité. Vous avez raison de pousser les volets. Je vous ai dit souvent comme je priais mieux dans l'église de notre maison des champs que dans celle d'ici, qui est trop claire. Aujourd'hui, le 26 d'août, le milieu de l'année et le milieu du jour, l'heure des démons du milieu du jour. Je ne sais ce qui est le plus, ou le milieu du jour, ou le réveil, avec la journée qu'il va falloir charger. Ce grand silence d'Aou. Il y a un silence et un abandon en Aou. Me figure terriblement le silence et l'abandon de Dieu. Quand le fort et le chaud du jour seront passés, vers 5 heures, j'y serai mieux. Et puis à 5 heures, on est tranquille jusqu'au lendemain matin. Il ne se passe rien la nuit. La menace monte avec le soleil. Vous êtes fatiguée, ma chère enfant. Je l'avais déjà remarqué à ce que vous chantez moins fort à l'office. Vous ne mangez presque pas. Les humiliations ne demandent point de force. Vous vous réveillez chaque nuit après matine, m'avez-vous dit. Cela vous fait trop peu de sommeil. Bien des choses d'ici ne sont pas en ordre dans les âmes, seulement parce qu'on ne dort pas assez. Je remercie Dieu de me réveiller la nuit. Cela me permet d'avoir une pensée de plus pour lui. L'autre nuit que j'étais bien abattue, j'ai été toute ravie en regardant les étoiles. Je contemplais le ciel au-dessus du dortoir, et je m'imaginais qu'il y était plus serein qu'en pas un endroit du monde. Vous veillez devant Dieu, lors même que vous dormez par obéissance. Mais qu'est-ce qui vous réveille ainsi la nuit? Je ne sais. Une peine que j'ai eue le jour précédent. Il paraît que les filles qui sont dans le monde dorment quand elles sont heureuses. Qui vous a dit cela? Une des nôtres qui était venue tard. Je ne me souviens plus de qui. On dirait que vous avez de la peine dans vos yeux. Mon directeur apprendrait beaucoup en se contentant de nous faire lever le voile. Est-ce que vous ne les voyez pas, nos pauvres filles, avec leurs yeux creusés comme des tombes? Et ce petit bouton à votre lèvre, c'est un bouton de fièvre? J'ai une fièvre assez forte tous les soirs. Vous êtes malade? Non, point. Une fièvre d'anxiété, de chagrin. Toutes nos sœurs, tour à tour, ont cette fièvre-là. À Port-Royal, on meurt beaucoup de cette fièvre d'anxiété et de chagrin. Ma sœur Pascale en est morte. Ma sœur Gertrude en est morte. Notre mère Dufargis en a été aux portes de la mort. Et je ne parle pas de celles qui meurent d'un mal plus défini. Pensez qu'il nous est mort 7 professes en 3 ans. Nous donnons adieu ces fruits mûrs chaque année. Il y a quelques jours où les météores s'approchent de la terre et la frôlent, puis ils s'éloignent et l'on respire à nouveau. Les météores, ou le char de feu quand il rasa la terre entre Élysée et Élie. Comme je l'attends ce 1er de septembre. Encore 5 jours. Alors au bout de nos jardins, on recommencera de sentir l'odeur des champs. Septembre se relâche. Mais à août est tout dur et en feu. Que ce bandeau me sert. J'attends que soit passé le char de feu. Et je l'attends seule. Qui donc sait ce que c'est que l'angoisse? Il n'a jamais fait quoi que ce soit pour la calmer chez son prochain. Ah, ma sœur, comme vous êtes humaine! Ce n'est pas assez de trembler. Il faut encore rassurer les autres. Au réfectoire, faire bonne figure. Et manger. De dures tâches. Et ce n'est pas assez de la réalité. Il y a encore les rêves. Je confesse que j'en fais qui me tourmentent. Oh non, pas des cauchemars, mais toujours des rêves où je suis mortifiée. Il est bien que vous soyez mortifiée, même en rêve. L'Église a plus maintenu ses vérités par ses souffrances que par les vérités mêmes. Et pour les personnes, elles aussi, la souffrance est féconde. Il y a une souffrance qui n'est pas féconde, une souffrance morte. Et qui entraîne dans sa mort tout ce qu'elle trouve en l'âme autour d'elle. Vous parlez des vérités de l'Église, mais s'il y avait une souffrance qui alla jusqu'à vous obscurcir ces vérités. Je connais de nos sœurs qu'un certain excès de peine met dans un état si étrange qu'il leur semble alors qu'elles ne croient plus en Dieu. Est-il possible? Cela vous paraît effrayant? Au-delà de ce que j'en pourrais dire. Lorsque ces sœurs me parlent, il m'arrive de me représenter une âme qui, dans le tremblement et l'abandonnement et l'angoisse de son corps, sentirait qu'elle se noie comme Saint-Pierre. Ou plutôt, réaliserait en vérité les mots du psaume « Leur âme s'est fondue en présence du péril. » Une âme vraiment fondue par le péril et par la peur. Je l'imagine menée ainsi à la dérive, jusqu'en vue de ces portes des ténèbres, dont Dieu parla à Job. Vos rêves continuent. Les fantômes qui vont dans les ténèbres, les flèches qui volent le jour, et les démons de l'heure de midi, ces fantômes, ces flèches et ces démons que nous évoquons chaque soir accomplis, je puis dire que moi aussi je suis repu de leurs menaces, et que je suis repu d'avoir peur. Je suis fatiguée d'avoir peur. Je suis fatiguée de leur haine. On parle de mon orgueil. J'aurais besoin plutôt si souvent qu'on me rappelât ce que je suis. C'est maintenant qu'il ne faut pas baisser les yeux qu'on a tenu lever une fois sur les montagnes. Si l'on baissait les yeux, on s'effondrerait d'un coup. Il ne faut jamais baisser les yeux que devant Dieu. J'ai envisagé 100 fois, depuis bien des années, la situation où, sans doute, je me trouverai tôt ou tard. Imaginez que je sois séquestrée, comme Monsieur de Saint-Cyran, dans un couvent ou dans une prison, seule et sous clé, en quelque galetas où la nuit soit la même que celle des morts, privée des sacrements, excommuniée peut-être, sans défense, sans pays ennemi, comme si j'étais au milieu des Turcs. Dans le dernier mépris de tous, sans rapport avec qui que ce soit, que ceux qui viendront me persécuter pour que je me renie ou que je nous renie, incapable de me faire entendre de quiconque si je sens que je vais périr, comme il m'arriva déjà, cette nuit que je me sentis mal, et sortis pour aller chercher de la chandelle, et m'évanouis dans le noir, sur le seuil de ma cellule, exclu de tout secours et de toute nouvelle, dans l'ignorance où vous toutes vous êtes, prévenu, vrai ou faux, que l'une ou l'autre a trahi. Prévenu que vous avez signé, vous, ma mère. Je ne signerai jamais, mon enfant. Et je veux même faire un papier où j'écrirai que si l'on m'a surprise dans un moment que je n'étais plus bien moi-même, hélas, trois attaques en deux ans, ma signature ne vaudra point. Ma sœur Gabrielle rappelait tantôt le rêve qu'eut une de nos anciennes en 1661, de la bête qui allait et venait du Louvre ici en rugissant. Elle n'a pas rappelé la parole de notre mère Angélique lorsqu'on lui raconta ce rêve. Nous tuerons la bête, mais la bête nous tuera. Nous sommes au fond d'un creux où tout se défait. Un siècle où, comme dit le proverbe, ce sont les chevaux qui vont en carrosse et les hommes qui tirent le carrosse. Il ne faut donc pas s'étonner de voir en ce siècle qu'on accorde couramment les desseins les plus criminels avec le zèle du service de Dieu. Et cependant l'indifférence et la dureté de ces chrétiens qui nous oppriment reste pour moi quelque chose d'inconcevable. S'il arrivait que les deux plus grandes forces en ce monde, la puissance ecclésiastique venue du plus haut et la puissance séculière venue du plus haut, se refermassent comme des tenailles et écrasassent notre pauvre maison, si cette conspiration de tout l'enfer, de tous les démons de l'heure de midi, les uns en tunique de prêtre, les autres en manteau de roi, parvenait à ruiner cette maison où l'on n'a cherché qu'à retrouver la foi, le sérieux et la ferveur du premier christianisme, est-ce que le ciel et la terre ne devraient pas se dresser pour crier que cela est affreux? Mais non, pas une feuille ne bougera. Nous en avons des signes dès aujourd'hui. On nous plaint, mais on ne lèverait pas le petit doigt pour nous. Et vous, ma mère, si ce crime se faisait, que diriez-vous de Dieu? Et que lui diriez-vous? J'adorerais du fond de mon cœur cet ordre de sa providence, et je la laisserais faire, car c'est notre volonté qui gâte tout. Et comme j'ai toujours sur moi la lettre du bienheureux François Vissal, écrite de sa main, où il nomme avec faveur chacun des membres de notre famille, je demanderai au bienheureux son intercession. Oh, ma mère, que tout est loin de moi. Eh bien, quand les paroles de l'Écriture, qui tant de fois vous ont donné tant de force, ne vous donneront plus rien, quand tenant cela dans ses doigts, on n'aura plus envie de le porter à sa bouche, quand il vous viendra des idées si effroyables que vous y apprendrez ce que c'est que le désespoir et par où l'on y va et quelle est la tentation qui peut naître de ce désespoir. Et le courage, ma sœur, à défaut de la grâce. Êtes-vous une Arnaud? On dit que les Arnauds n'estiment qu'eux-mêmes et qu'ils s'admirent entre eux à l'excès. Il n'y a pas de quoi vous admirer beaucoup dans ce moment-ci. Non! N'attendez pas de moi que j'excède en douceur. Cela crée des maux irréparables, beaucoup plus grands que ceux qui naissent de la trop grande sévérité. Je vous accuse, de la part de Dieu, de préférer la nature à la grâce et dans la nature de ne trouver pas même le courage. Vous excluez le courage et vous excluez la grâce. Que vous reste-t-il? Pardonnez-moi, ma mère, mais me voici tout juste devant les portes des ténèbres et je crois en effet qu'il ne me reste rien. Si j'avançais d'un pas de plus, déjà le vent qui sort des portes fait vaciller la flamme de ma lampe. S'il arrivait qu'il aille l'éteindre, déjà je ne peux plus parler. Ma langue se colle à mon palais. Et les prières que je voudrais faire ne seraient pas des prières, mais des cris. Je vais prier Dieu pour vous, ma sœur, car je ne vous ai jamais vue dans un pareil besoin. Mais vous, mère, tâchez à prier un peu pour vous. Car les saints et les anges prieraient-ils pour vous? Si vous ne faisiez pas vous-même, les prières des autres ne serviraient qu'à votre condamnation. Priez. Priez, Dieu. Mais si Dieu... Quoi? Allez à Dieu sur le champ. Quand ce ne serait que le corps, jetez-vous aux pieds du crucifié. et lui dites les paroles que lui-même vous inspire dans le psaume « Seigneur, rompez mes chaînes !» Car vous êtes dans des chaînes qui font un rien de celles de votre prison. Et si vous ne pouvez le dire que par des cris, dites-le par des cris et par des gémissements. Faites cela trois fois, en relevant trois fois, en l'honneur de la Sainte Trinité. Et Dieu, peut-être, vous regardera. Est-ce une obéissance ? C'en est une !